Clément. Bonjour Tenaille. Hey, comment tu vas? Bah ça va bien et toi? Bah ça va, tu sais que je suis content que tu me dises bonjour. Oui bah je parce sais que je me suis dit tiens mais attends mais les autres jours ils s'en foutaient ou quoi? Ouais c'est vrai, non mais c'est vrai que ça fait un peu mal poli de ma part, je suis désolé. Mais tu sais c'est le problème c'est quand mais, tu t'habitues. Mais je peux pas t'en vouloir parce que je crois pas t'avoir dit bonjour non plus. C'est pas grave. C'est la précipitation. Oui, puis non, tu sais, des fois, tu vois les gens, tu les salues quand ils arrivent, tu passes un peu de temps avec eux, tu bois un café ou deux. C'est une continuité. Voilà. C'est une continuité. Donc, c'est un peu comme la discussion qu'on avait eue une fois sur, où j'étais là, ouais, tu dis pas bonjour. Mais non, mais les discussions, c'était pas fini. Oui, c'est le principe des discussions sur Internet, pour moi, quand tu échanges par message avec des gens, c'est une discussion qui est ouverte 24 sur 24. C'est ce qu'on continue de dire à parsimonie, qui continue, chaque fois qu'elle arrive, elle dit, bonjour, ça va? Salut. J'ai eu du temps à comprendre, moi, le concept. Un nouveau jour, je me lève. Bonjour Jack. Non mais attends, j'en étais encore. Pour moi, c'est toujours un peu le. Pour moi, c'est. Enfin bref, c'est pas la question. Aujourd'hui, on va parler d'un groupe dont on a déjà parlé. Ouais. Tu suis toi. C'est pour ça que je suis là. Dont. Non mais d'abord, générique. Bah ouais. Allez. T'es générique. Donc, ton petit générique. T'as vu, c'est pas facile, hein. Mais j'ai pas dit que ça l'était. Non. Mais si je m'étais bougé le cul, j'aurais pu appuyer sur le bouton générique. Ouais, c'est vrai. Je me bouge le cul pour faire un bouton extrait, et je me le bouge pas pour un bouton générique. Je suis un peu... Ouais. Il est pas si loin, en plus, hein. Bah, non, mais c'est surtout qu'il est pas enregistré. Ah, bah c'est ouais. C'est ça, le... Ah, bah oui. Aïe, toi, c'est bien, c'est que tu comprends vite, y a pas besoin de t'expliquer trop de fois. Ah, bah, tiens, on va... Bah, oui. Avant de lancer le truc, ouais. Tu pourrais dire ce que tu m'as dit juste hors antenne, là. Il m'a dit, en fait, j'ai pas tout compris. En fait, j'aurais pu dire immanquable pour mes deux derniers groupes, mais j'ai pas osé. Ah non, c'est ça. Ah non, il met dans la sauce. Parce qu'en fait, les deux, ils étaient immanquables, mais comme j'avais pas dit immanquable, j'ai pas osé. Non, mais en fait, c'est vrai que je suis un peu con, moi, parce que du coup, c'est après coup, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi j'ai pas dit immanquable et tout. Et j'ai pas pensé avant. Oui. Quand j'ai dit, tu sais, dans ma tête, c'est un peu faire un tour, oui ou non. Ouais. Et l'immanquable, tu sais, j'y pense pas tout le temps. Et c'est vrai que quand on en a parlé, dans ma tête, j'étais là en mode, l'immanquable. Ouais, mais j'ai dit oui. Pourtant, en plus, il y a un moment donné où je crois que je t'ai dit, tu peux revenir dessus. Je crois C'est vrai que tu m'as tendu la perche. Ouais. J'ai pas. Je suis un camarade, moi. Ouais. Allez, je te tends le bras. Prends-le. Tu voyais un peu le désespoir, peut-être, en me regardant. Tu dis, il a envie. Je suis pas sûr de le mot désespoir. Je suis pas sûr, mais ouais. En tout cas, on va attaquer tout de suite avec un groupe dont moi, j'ai vraiment un fort souvenir. Parce que j'avais. Quand je l'avais écouté pour la première fois, j'avais vraiment pris une grosse claque, un truc de malade, et j'ai été trop content d'aller les voir parce que je les découvrais. Je crois savoir de quel groupe on va parler. Et ce qui est très marrant, et ça va peut-être te surprendre, mais depuis, j'en ai très peu écouté. C'est comme si j'avais lâché le groupe, mais... Mais on peut pas t'en vouloir en même temps, parce que t'as énormément de choses à faire, et donc, beaucoup de groupes à écouter. C'est gentil, merci. Mais en vrai c'est comme si j'avais eu un vrai coup de cœur pour ce groupe, et pourtant, j'avais pas trop suivi derrière. Mm-hmm. Donc, c'était un vrai plaisir de le redécouvrir pour préparer ces rétro-chroniques avec toi. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer un beau moment en parlant tout de suite de Death Heaven. Ouais. Tu sais, les gens, ils ont dit, ouais, 15 minutes, c'est trop court. Ouais, voilà. Ouais. Bah, tu vois l'extrait, là, que tu viens de C'est mettre. Trop court? Oh, ouais. Bah, pourtant, il y a plus de 15 secondes, en tout cas. En tout cas, Death Heaven est un groupe de post-metal américain, mais, ouais, pas que. Non, ouais, originaire de San Francisco, en Californie, pardon. Mm. Et le groupe, à la base, est formé par deux personnes, le chanteur, George Clack, et le guitariste, Kerry McCoy. Et c'est eux qui sont là depuis le tout début du groupe et qui vont rester jusqu'au bout. Alors, ils vont rapidement trouver d'autres musiciens, parce qu'en fait, au début, ils ont commencé à vouloir travailler sur une démo. Et après la démo, ils se sont dit, putain, ça marche bien, ils ont voulu partir en tournée, donc ils ont récupéré des musiciens. Et à partir de là, le groupe était né, même si les musiciens, ils en ont choisi d'autres après. Ça a bougé un peu. Ouais. Et eux, par contre, ils sont là depuis le début. Voilà, les deux sont là depuis le début, on va dire, c'est les deux vrais. C'est le cœur du groupe. Voilà, c'est le cœur du groupe. Même si aujourd'hui, ils estiment plus que tout le monde fait partie du groupe, parce que ça fait un petit moment maintenant, donc c'est pas non plus comme s'ils venaient d'arriver. Mm-hmm. En fait, il n'y a pas régulièrement de changement d'autres membres, quoi. Ouais. Mais c'est les deux plus importants. Ce qui est très particulier avec Def Heaven, c'est qu'il est décrit de plusieurs styles différents. Il y en a qui le décrivent comme du black metal, mais mêlé à des éléments de shoegaze, parfois appelé du post-black metal ou du black gaze. Cependant, eux-mêmes, ils se classent pas du tout dans la catégorie black metal, tu vois. C'est pas leur délire. D'accord. Ils utilisent des éléments de black metal, voilà. Mais ils se mettent pas l'étiquette black metal, quoi. Non. Ouais. Et donc ils ont fait une carrière, un début de carrière normal. Toi, ils ont grandi, ils ont fait ça. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu lis un petit peu leur histoire, tu t'arrêtes à plein de moments. Et il y a un moment donné, le guitariste, il explique que, en fait, comme la musique du groupe est si particulière, ils ont tourné avec plein d'autres groupes différents qui n'ont rien à voir. Parce que par exemple, ils ont tourné avec avec Baroness. Ah oui, d'accord. Ouais, tu vois. Ou avec ils ont tourné avec qui déjà, qui était un peu surprenant, parce que là j'en ai un autre mais je veux pas le dire tout de suite. Non, ils ont pas tourné avec celui-là. Non, pas celui-là non plus. Non, pas celui-là non plus. Ah, pas celui-là non plus. Enfin, en gros, ils ont tourné avec des groupes, que ce soit de différents styles, mais que ça, donc comme Baroness, qui est dans un style un peu plus stoner, comment dire, j'ai plus les termes là, j'arrive au bout de ma j'arrive au bout de ouais. Faut que tu fasses une sieste. Ouais, tu veux faire une petite sieste là? Non, j'ai pas faire ça. J'ai pas faire ça. Toi qui est plus du stoner, sludge, qui est un mélange de tout, Baroness. D'accord. Et jusqu'à Russian Circle ou d'autres groupes de metalcore, okay. Et tout. Et en fait, ils ont été pris sous l'aile de Russian Circle, qui les a pris avec eux, Def Heaven, et qui leur a expliqué comment ils devaient se comporter sur scène, en fait. Ah, d'accord, c'est plus pour le côté scénique. Non, pas que. En fait, ils leur ont expliqué trois importantes règles d'un groupe à succès: d'écrire des bonnes chansons, être excellent sur scène et ne pas péter plus haut de son cul. Et eux, apparemment, ils pouvaient pas s'en empêcher au début. Ah ouais? Ouais. C'est curieux, tiens, ça donne envie d'aller voir des petits concerts du début pour voir un peu qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Parce que... Ouais. Et tu vois, eux, les deux, là, c'est tellement des passionnés qu'au tout début, en fait, ils sont restés à deux. Quand les trois autres membres sont arrivés, la première mouture est pas restée à cause de la vie sur la route et du peu d'argent qu'ils gagnaient, parce que eux, ils étaient vraiment passionnés de ouf. En fait, ils s'en foutaient de gagner de l'argent. Ils étaient en mode. Ouais, ils étaient pas trop dans la négoce. Non, on s'en fout, nous, on veut jouer. Gratuit? Ok. Enfin, ils étaient surtout plus dans le côté créatif et passionné, en se disant, ben, on s'en fout, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est, faut que ça marche, quoi. Ouais. Et, pour si je dis pas de conneries, leur deuxième album, Sunbather, qui est sorti en 2013. Ouais. Il a eu comme note sur Metacritic. En fait, c'est un Metacritic, c'est là où il y a toutes les notes de tous les professionnels normalement réunis. Ça marche aussi avec les jeux vidéo et tout. Okay, quand tu parles d'une note Metacritic, en fait, c'est une note de la profession, grosso merdo. Okay. Et ben, ils ont obtenu 92 sur 100. Il n'y a pas eu beaucoup d'effets négatifs sur cet album, quoi. Puis ils ont même été nommés pour un Grammy Award de la meilleure performance. D'accord. Donc, ils ont vraiment, vraiment cartonné, quoi. Ils ont cartonné, et ça a méga marché. Et ce qui est intéressant selon moi dans ce groupe, c'est que quand j'ai écouté, c'est que t'écoutes et tu dis, ok, je vois le côté black metal. T'entends le chant, t'as l'impression que c'est du black metal. Tu vois, par contre, la musique. Bah c'est pour ça, t'as une musique qui est plus post-metal, qui va venir t'amener quelque chose. Mm-hmm. Là, du coup, t'as un chant black metal qui va revenir par dessus. Et en plus, ils vont mettre d'autres influences. Il y a comme, il y a un univers qui petit à petit se dessine. Et puis je sais pas si t'as écouté tous les albums. J'ai écouté tous les albums. Ouais, t'as vu, y a pas que du chant black metal. Non, parce que quand t'écoutes le dernier album en date sortie, t'es sur un truc plus calme, un peu plus posé, moins énervé. Ou là même y a du chant clair. Ah oui, y a du chant clair, ouais. Et t'as tout un univers. Ouais. Et en fait, justement, j'ai écouté qu'ils ont dit, nous c'est ce qu'on voulait. On voulait proposer un petit peu autre chose. En fait, lui, le chanteur, il fait confiance au guitariste qui va amener vers d'autres trucs. En fait, il a tellement un énorme apparemment background musical qu'il est capable de jouer un peu tous les styles. Et donc en fait, il lui fait totalement confiance. Il le laisse aller dans ses idées, donc après qu'ils développent ensemble, tu vois. Ouais. Mais c'est un... ils doivent être en accord, ils arrivent à s'emmener tous les deux là où ils veulent, quoi, à peu près. Et ce qui est assez marrant, moi, dans ma découverte du groupe, c'est que je l'ai vraiment pris comme une grosse claque. Musicalement, c'est venu me toucher directement à l'intérieur. J'ai dit, waouh, tu vois, ça pourrait faire partie des groupes qui pourraient me faire planer, tu vois, vraiment, tellement je suis rentré dedans. Et c'est vrai que quand t'écoutes les premiers albums, tu pourrais peut-être reconnaître une certaine un peu répétition à un moment donné, en fait. Tu sais, ils ont trouvé une espèce... Ils ont leurs pattes. Voilà. Non, mais ils ont un gimmick de trucs qui marchent. Et après, ils vont vers un truc qui s'envole un peu. Alors, je vais faire une comparaison qui est sur un total autre niveau, mais je sais pas si tu vas le voir, mais tu vois, si tu mélanges, si tu fais pas justement une comparaison du style, mais le mélange dans la côté progression et montée, ça me fait un peu penser à Alceste. dans le côté envolé, dans le côté envolé, pas du tout le même style, pas du tout le même style. Je ne vais pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais dans le côté truc qui s'envole au bout d'un moment, voilà. Il te pose un truc et après il s'envole. On voyage au gré des fréquences un peu. Et donc dans les deux premiers albums, t'as une recette qui se retrouve de Death Heaven. Mmh. Sur l'album suivant, t'as une recette. Ils sont capables de te proposer autre chose. Et dans le dernier Infinite Granite, il sort du lot celui-là. Sort du lot. Et pourtant, ils te proposent quelque chose de différent. En fait, c'est marrant parce qu'ils sont capables de rebondir et de trouver des trucs. En fait, t'as tout leur mélange, t'as tout ce qu'ils proposent qui vient se mélanger. C'est peut-être aussi pour ça que Infinite Granite, j'avais un peu lâché parce que moi, je les avais vus en 2017 au Hellfest. Bah, de toute façon, c'est leur dernier. Hein. Ouais, non, mais attends, oui, je sais, mais parce que en 2018, donc 2017-2018, j'avais peut-être pas fait gaffe à la sortie. Ah oui, d'accord. Et j'étais peut-être revenu sur Infinite Granite et là, ils m'ont peut-être perdu. C'est peut-être pour ça que le groupe m'a un peu lâché des mains à ce moment-là. Mais quand je les avais vus au Hellfest, c'était de nuit, sous Altar ou sous Temple, je sais plus quel des deux. Ah ouais. Et en fait, je suis arrivé et ils ont directement joué la chanson que j'avais le plus kiffé à l'époque et j'étais comme un fou et j'étais waouh, trop bien, je suis en train de kiffer. Et c'était donc sous la Temple, effectivement, à 1h du matin. Ah ouais. Et avant de t'entendre, là, je sais pas si t'as vu, ils ont sorti un single, enfin deux singles. Oui, Magnolia. L'extrait, c'était Magnolia. C'est pour dans deux jours. Ah, oui, c'est ce que j'allais te dire. Le nouvel album sort dans deux jours. Et là, du coup, j'ai un peu hâte. Mais j'ai beaucoup parlé. Maintenant, toi, quelle a été ton expérience avec Death Heaven? Ah bah, ça, c'est mon coup de cœur de la semaine. Ah ouais, non, j'ai surkiffé. Pourtant, on est sur une voie que tu ne devrais pas aimer normalement. Je sais pas, enfin, comment dire, elle se lie bien à la musique, tu vois. C'est pas, c'est parce que c'est vrai que là, moi, en fait, quand j'ai découvert, j'ai pris, tu sais, je fais souvent ça, j'écoute les morceaux les plus populaires. Ouais. Donc c'est vrai que les morceaux les plus populaires, c'est ceux qui ont peut-être un peu plus la grosse touche black metal. Ouais. La voix est à peu près dominante. Bon, bref. Donc je dis bon, ok, on est sur du black. Là et là après, donc je commence à enchaîner, je commence à bien aimer. Je vois bien qu'il y a un univers, il t'emmène quoi. Enfin, je veux dire, là, si t'aimes bien écouter la musique et ressentir les choses, si tu kiffes pour, il y a tout un mélange d'émotions en plus. Tu sens je sais pas si tout le monde peut la ressentir. Pour moi, ça fait partie des groupes. Ils ouvrent la porte et ils rentrent, mais En fait, le black metal, tu vois. Enfin, bon là, c'est plus. Je dirais plus post black metal. Là, c'est du post black metal. Et ben. Bah, il faut laisser le temps, hein. Vraiment. Moi, je sais que j'ai écouté un album, deux albums. Bon, je vais pas te mentir, hein, dès le premier album, je savais que je surkiffais, quoi. Ils ont un truc, il y a vraiment, tu sens tout simplement qu'ils sont passionnés, qu'ils sont intelligents, qu'ils vont chercher des choses. Bah, en fait. Et moi, ça m'a complètement attrapé. Je suis d'accord mais moi, je te dis, ils sont vraiment arrivés. Ils ont ouvert une porte et ils se sont glissés jusqu'au bout ça m'a vraiment touché. J'étais en mode, waouh, mais qu'est-ce qui se passe, oui, quoi. Et franchement, ce que j'ai bien aimé avec ce groupe-là, c'est que à aucun moment, j'en sortais, en fait. Plus je l'écoutais. Et plus je m'enfonçais dans leur délire et c'est des fois un peu assez risqueux et périls parce que, tu sais, c'est des émotions, il y a du bon, il y a du pas bon. Après, tu vas chercher un petit peu dans ton vécu, ton histoire, machin. Enfin, voilà, je sais pas comment que tu... Moi, c'est comme ça un peu que je ressens les trucs parce que il y a même des moments, franchement, tu m'enlèves la voix, ça changerait presque pas grand-chose tellement leur musique, elle m'emmène tout simplement. C'est un peu un mélange des trucs, je suis d'accord. Et je sais pas si t'as remarqué dans les singles de qui va sortir, donc ouais, du album. Il y avait Aizen, je crois. Et Magnolia. Ouais, c'est ça. Et Magnolia, elle est vachement plus lourde. Donc, c'est-à-dire qu'après leur avoir fait un album Infinite Granite qui est un peu plus calme. Ouais. Et ben là, ils vont revenir sur quelque chose de lourd. Et j'ai lu toute une interview où justement, ils en parlent et ils en ont. Dès ces deux morceaux-là, tu vois bien que t'as l'impression que tu dis, tiens, ils font un petit retour. Je sais pas si je pourrais dire aux sources ou pas, mais quand tu compares par rapport au dernier Infinite Granite où, moi, j'ai eu l'impression à un moment donné que j'étais dans l'espace, quoi, vraiment. Non, mais c'est. L'univers d'Infinite Granite, c'est limite de la science-fiction, quoi. C'est ouf. Bah, eux, ils en parlent de plein de manières différentes. En fait, c'est un album qui est en fait, ils le trouvent aussi amusant que nécessaire pour eux. Il a amené quelque chose d'autre. Ça leur a donné. Mais en fait, on parlait tout à l'heure de Knocked Loose qui a vraiment beaucoup de choses à dire. Eux, ils sont encore presque plus loin parce que je sais pas si tu vois la pochette de Magnolia, tu sais, on voit une voiture. il y a un enfant sur la, le siège passager, il y a une femme. Et en fait, pour eux, c'est volontairement, ils ont choisi une image qui avait plusieurs sens pour eux, un petit peu à l'image de leur musique, parce que c'était l'histoire de dire, ça pourrait être un père à côté de son fils qui vient chercher une dame, de joie, dehors, ou une mère qui vient parler à son fils. En fait, c'est volontairement ouvert à la réflexion, quoi. C'est exactement ça. Et pour eux, c'est vraiment fait, comme ça pour leur musique, quoi. Tu vois, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment un groupe, que ça soit dans les pochettes ou musicalement, c'est réfléchi, c'est passionné, c'est avec l'intention justement de faire ressentir des choses aux gens. Et tout à l'heure, on était sur une espèce d'énergie brutale et violente, et de patates dans la gueule avec nos clous. Et là, on est sur un truc qui est un peu plus intime et qui complètement qui vient nous toucher. On sait pas comment, voilà, je sais pas comment dire. C'est de la sensibilité exacerbée, mais un truc de malade, quoi. Bah c'est le genre de musique, de toute façon, quand tu l'écoutes, ben tu prends, mais à l'intérieur, t'es un petit peu face à toi-même, tu vois ce que je veux dire. On t'apporte un outil, et toi, en fait, c'est tout ce que t'as à l'intérieur, ton histoire, machin, qui se mélange à ça, et ça donne un bon cocktail. Moi, personnellement, ça m'a pas, tu vois, il y a des musiques, tu sais, où ça va t'emmener un peu, des fois, vers tes démons, tu vois, des choses, des ressentis pas forcément agréables, mais, bah voilà, hein, des fois l'histoire fait que bah tu les prends et tu les utilises, ces trucs là mais avec Def Heaven, ça m'a jamais emmené loin dans des sensations désagréables, tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, et moi ça pourrait arriver à me faire chialer, mais pas de tristesse, un mode genre tu sais, ça va venir faire tomber toutes mes protections et mes barrières, et en mode tu sais, t'ouvrir, ouais, non, mais carrément. C'est un truc de fou, carrément, quoi. Carrément. Mais je pense que par contre tout le monde ne va pas être réceptif à ça, parce que c'est très particulier, quoi. C'est très particulier, mais en même temps c'est assez je pense que c'est un de ces groupes, tu sais, ou même quelqu'un qui est peut-être pas moi par exemple, enfin bon, moi je commence à en écouter un peu, donc je commence à avoir un petit peu plus l'habitude, on va dire, mais quelqu'un qui connaît pas trop, je pense que c'est le genre de groupe, tu vois, qui peut justement amener vers ce style de musique là. Ouais, je suis d'accord. Par contre, faut pas hésiter à aller plus loin, écouter une fois, deux fois, voir un petit peu la disco, ce qu'il propose, parce que tu vois par exemple Infinite de Granit là, il sort du lot. Et tu vois qu'ils testent un truc, tu reconnais leurs pattes, tu reconnais cette façon de t'emmener quelque part, je sais pas. Je vais pas te mentir, quand j'ai enchaîné, à un moment donné, je me suis dit, merde, attends, j'ai vérifié, tu vois, si j'étais bien toujours sur du Def Heaven, parce que les premiers morceaux, tu vois. Ouais. Parce que le chant black metal est un peu moins présent. Il est là dans les refrains, et un peu loin, t'as l'impression. Ils ont su justement faire procéder à une évolution, à des changements, à des trucs, mais ouais, non, c'est un putain de groupe. Et du coup, qu'est-ce que t'en dirais? Eh ben gros oui, hein. Tu vois, j'ai envie de dire immanquable, et tu sais pourquoi je me dis le dis pas à cause de mes deux loupés de non, dernière émission. Mais si pour toi là c'est un coup de cœur, t'as envie de dire immanquable. Ouais, mais tu vois, Softplay et Sandrider, j'étais emballé tout pareil. Mais tu vois. Écoute, là, on n'est pas dans les mêmes règles, donc tu peux dire immanquable, ça n'a pas la même valeur. Là, y a pas c'est vrai ce que tu dis. Non, carrément immanquable. J'ai trop kiffé. Je t'accompagnerai volontiers à les revoir, parce que, en plus, je suis très pressé d'arriver vendredi et de découvrir le nouvel album. Là, c'est. Ouais. Là, ça va être quelque chose. Ouais, carrément. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. On arrête là pour Def Heaven? Parce que de toute manière, on va se répéter encore en disant que c'est très bien. C'était trop bien, Écoutez, faites-vous un avis. Prenez le temps. Laissez-vous baisser la garde. Lâchez-vous un petit peu. Lâchez prise. Et c'est pas grave. Fermez les yeux. On peut pleurer. Voilà. Dites aux gens qui sont chez vous, autour de vous, de sortir, faire un tour. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre. Non, non. Ils vont vous empêcher de rentrer à l'intérieur de vous-même. Allez, bon voyage, c'est ce que j'allais dire. Allez, salut. Ah ouais, non, mort est là.